Yon, de, yon, de, toi, quatre. Tous les mois qu'à songer, à qu'on dit c'était hier, qu'on bougit en l'ennui. Éteint tout doucement. Toi l'en est déjà passé, mais moi pas qu'arriver oublier. Nous t'es souvent ensemble, nous fait bon l'étincelle. Mon dit sans faire, bon Dieu qu'a fait sans dire. Jou là où parti, nous pas réaliser. La vie trois jardins, tant bouté qu'à sonner. Let's go.